Un soir, Yoda pont qui enjambe l'enfer. On vit dans un éclair la mort et Lucifer. Elle semblait misérable dans son habit de deuil. Il avait l'air défait, usé par les soucis. On sentait bien qu'il allait se passer quelque chose. Allô ? Tu connais la nouvelle ? Ouais, la mort s'est suicidée. Elle en avait assez de la vie sur la terre. Elle est partie très loin, bien après l'au-delà. Dans un espace où même le diable ne va pas. Ses dernières paroles furent: ah, je vais leur jouer un bon tour. Depuis ce temps-là, rien ne va plus sur la terre. Tous les dieux des humains ont été démontés. À quoi serviraient des dieux puisque la mort s'en est allée? Mais que peut-on la foi contre l'éternité? L'enfer sur la terre venait de commencer. En quelques décennies, la place vint à manquer. La terre n'absorbait plus ses milliards d'humains. Le chaos fut total, tous les gouvernements, les uns après les autres, durent démissionner. Et la terre devint un immense cloaque. Un soir, Dieu d'un monde qui enjambe l'enfer, la mort et Lucifer s'étaient donné rendez-vous. S'en aller très loin, bien au-delà du ciel, dans un espace où la vie n'existe plus. Thank you.